Le comité central du Front démocratique pour la réunification de la patrie a publié le 4 juillet une déclaration à l'occasion du 45e anniversaire de la publication de la déclaration commune du 4 juillet. En voici le résumé. Grâce à la résolution patriotique et à la direction éminente du président Kim Il-sung, les pourparlers politiques nord-sud de Oron ont été ouverts en 1972 pour la première fois dans l'histoire de division de la patrie, et on y a précisé solennellement à l'intérieur et à l'extérieur du pays les trois principes pour la réunification du pays, indépendance, paix et grande union nationale. Grâce à la publication de la déclaration conjointe du 4 juillet, la nation coréenne a possédé son guide directeur le plus juste pour la réalisation de l'œuvre de réunification indépendante, déjouer tous les empêchements et mener à la victoire le mouvement de réunification à l'échelle nationale. Si on souhaite un nouvel avenir de la patrie réunifiée en se souciant de l'avenir de la nation, tous les Coréens ne doivent pas être indifférents à la réalité des relations nord-sud dans la pire situation catastrophique et la tension, et doivent s'engager dans la lutte sous la bannière invariable des trois principes pour la réunification de la patrie. Le comité central du Front démocratique pour la réunification de la patrie déclare sa position avec la responsabilité importante du destin de la nation et au nom des vœux de toute la nation coréenne qui aspire vivement à l'amélioration des relations nord-sud et à la réunification du pays. 1. Il faut chasser une fois pour toutes dans notre territoire les forces serviles pro-américaines qui s'opposent à l'aspiration et à la demande de toute la nation de réaliser le plus tôt possible la réunification de la patrie sous la bannière de l'indépendance nationale. Bien que plus de 70 ans se sont écoulés depuis la division artificielle de notre territoire par les forces étrangères, elles se conduisent toujours comme maîtres dans la moitié du territoire en imposant toutes les catastrophes et sacrifices à tous les Coréens. Cette réalité démontre nettement que seule l'indépendance est l'unique issue de la réunification et de la prospérité nationale. C'est pour cette raison que toute la nation coréenne n'a jamais toléré les traîtres soumis aux forces extérieures et aux États-Unis au détriment de la dignité et des intérêts de la nation, et leur a donné un coup sévère. L'actuel gouvernant sud-coréen qui oublie la leçon de l'histoire et abuse arbitrairement du pouvoir obtenu grâce aux manifestations à la bougie de la population en poursuivant le servilisme aux Américains doit savoir correctement qu'il ne peut être exceptionnel lui non plus. Rien ne peut être réglé avec ceux qui se conduisent avec prudence même dans leur patrie de peur qu'ils ne soient mal vus à leur suzerain, sans parler de la solution du problème de la réunification. Quoique le pouvoir soit changé en Corée du Sud, tant que la politique de dépendance aux forces étrangères ne soit pas remplacée par la politique de priorité à la nation et que l'attitude servile aux Américains ne change pas en primauté de la nation, rien n'existe à escompter ni à se remplacer. Voilà la leçon sérieuse que nous avons apprise de nouveau. 2. Il faut asséner résolument un coup mortel aux manœuvres des bellicistes de l'intérieur et de l'extérieur qui poursuivent l'aggravation de la tension et la crise de guerre nucléaire dans la péninsule coréenne par les démarches militaires insensées contre le principe fondamental en faveur de réunification pacifique. Les bellicistes sud-coréens ont transformé la Corée du Sud en plus grand arsenal de l'Extrême-Orient, en base avancée de guerre nucléaire qui menace et fait chanter les compatriotes avec le nucléaire, sans égard à la volonté de la nation qui aspire avec tant d'impatience à la réunification pacifique du pays. Ils mettent de côté leurs crimes ultra-géants et accusent de façon absurde et à la moindre occasion la mesure de renforcement de la capacité de défense nationale autodéfensive pour rejeter la responsabilité de l'empirement de la tension. Les autorités sud-coréennes ne doivent pas agir à la légère en sachant correctement les conséquences catastrophiques dues à leur participation à la tentative de guerre nucléaire des forces étrangères. Nous avons déjà disposé la dissuasion capable d'assonner les coups terrifiants au nom de la justice sur le dos des États-Unis à n'importe quel moment et équipé impeccablement les moyens de frappe de la même précision que l'on peut enlever les yeux des ennemis. Mais nous ne voulons pas que tout le territoire du pays soit dans le feu de guerre et que toute la nation subisse le cataclysme de guerre, donc nous faisons tous les efforts pour la réunification pacifique. La paix authentique de la péninsule coréenne doit commencer non pas par le démantèlement de nos armements nucléaires, mais par le retrait des impérialistes américains avec tous leurs équipements meurtriers. Et les autorités sud-coréennes doivent descendre les fusils braqués contre les compatriotes et répondre à notre mesure pour la détente militaire, ce qui sera le premier pas vers la réunification pacifique. Il vaudrait mieux pour eux de prêter l'oreille à notre avertissement. 3. Il faut liquider résolument les abus de confrontation et d'hostilité contre le courant de la Grande Union nationale et ouvrir la voie de la réunification par la force unie de toute la nation. Il existe depuis des dizaines d'années différentes idéologies et régimes au nord et au sud de la Corée. Mais si l'on donne la priorité aux communautés nationales et aux intérêts communs, il n'y a aucune raison de ne pas s'unir et on peut sûrement serrer les mains et s'avancer en tant que compagnons pour la réunification. La différence d'idéologie et de régime ne peut pas être prétexte de la méfiance et de la confrontation entre les compatriotes, et l'opinion et les intérêts de classe et de couche ne peuvent pas être obstacles de l'union nationale. Voilà notre position de principe. Nonobstant, les autorités sud-coréennes tournent le dos à notre bonne volonté et à nos efforts, et de concert avec les forces étrangères qui empêchent la réconciliation et l'union nationale, suscitent la méfiance et la confrontation, tout en mettant en cause les armements nucléaires des compatriotes, bien communs de la nation, et un certain problème des droits de l'homme. Donc, on ne peut envisager le développement normal des rapports intercoréens. La grande union de toute la nation est le raccourci de la réunification. Plus les forces sécessionnistes de l'intérieur et de l'extérieur du pays se démènent à l'extrême, il faut s'unir plus fermement pour inaugurer une nouvelle ère de la réunification indépendante. Voilà notre volonté et notre foi immuable. Nous serrerons la main avec tous ceux qui privilégient la nation et s'engagent vigoureusement à la réunification du pays, mais il n'y aura point de compromis ni de tolérance avec ceux qui poursuivent la traîtrise à la nation dans le cadre de servilisme pro-américain et de confrontation fratricide. À l'avenir aussi, comme par le passé, notre République s'attachera invariablement aux trois principes de réunification nationale et aux déclarations communes Nord-Sud qui la matérialisent pour accomplir ses nobles missions et responsabilités en faveur de l'amélioration des rapports intercoréens et de la réunification indépendante selon l'exigence et les intérêts de toute la nation.